La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour une nouvelle semaine de la Compagnie des auteurs, une semaine en deux parties qui commence avec Les Mille et Une Nuits et s'achèvera avec Naguib Mahfouz et qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault. À la réalisation aujourd'hui, c'est Rafik Zénine, à la technique YouTube Diego Aclopez. Alors davantage qu'un livre, Les Mille et Une Nuits sont devenues une légende qui s'accompagne des images et des couleurs d'un Orient idéal. Elles sont sans cesse réinterprétées, transformées ici en un film sur l'état de la société contemporaine au Portugal, celui de Miguel Gomez, adapté là par les studios Disney qui en font un dessin animé à partir du personnage d'Aladin, et toujours récité sur les places publiques par des conteurs marocains ou indiens. C'est donc d'un récit qui appartient à tous, d'un récit qui les accueille tous, dont nous allons parler ici jusqu'à demain. Demain, où nous aurons le plaisir d'entendre l'orientaliste André Miquel, qui a édité Les Mille et Une Nuits dans la Pléiade. Puis mercredi, donc tout autre chose, nous raconterons la vie et l'œuvre du prix Nobel de littérature égyptien Naguib Mahfouz, dont l'un des romans s'appelle justement Les Mille et Une Nuits et constitue également une réappropriation de ce texte mythique. Ce sera avec son éditeur en France, Farouk Mardambeh. Enfin jeudi, avec les universitaires Leda Mansour et Rania Samara, nous reviendrons sur certains des grands ouvrages de Mahfouz et notamment sur sa trilogie Kérot. Et aujourd'hui ? Nous sommes avec le professeur Aboubakr Shraibi, responsable du projet Mille et Une Nuits, sources et fonctions dans l'islam médiéval arabe. C'était à l'Agence Nationale de la Recherche, un projet qui est aujourd'hui terminé. Il a dirigé avec Carmen Jiménez l'ouvrage collectif intitulé « Les Mille et Une Nuits et le récit oriental » aux éditions L'Harmattan en 2009. Et puis on lui doit aussi « Les Mille et Une Nuits en partage » publié en 2004, cette fois aux éditions Actes Sud. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Scheherazade va se sauver en racontant une histoire. Eh bien, tout écrivain est Scheherazade. Tout écrivain a en lui une menace de mort. Je dis en lui et autour de lui. Mais cette menace qui est autour de lui le ronge intérieurement. Et c'est contre cette épée de Damoclès que l'écrivain parle. L'écrivain, en parlant, va lever indéfiniment la menace de mort qui pèse sur lui-même et naturellement qui pèse aussi sur tout le développement de la société. L'écrivain Michel Butor, interrogé par Georges Charbonnier en 1966. Bonjour Aboubakr Shraibi. Oui, bonjour. On sait qu'une partie du suspense, et Dieu sait qu'il est grand dans Les Mille et Une Nuits, tient au fait que Scheherazade raconte des histoires pour sauver sa vie. Est-ce que vous diriez que toute histoire, tout récit, est une façon de repousser la mort qui menace ? C'est un petit peu ce que sous-entendait Michel Butor. Oui, j'ai bien entendu et je suis tout à fait d'accord parce qu'il faut pour un écrivain donner son juste sens au mot de mort, parce que qu'est-ce que ça signifie la mort d'un écrivain? C'est le jour où il n'est plus écouté ou lu. Hein, c'est voilà, c'est toute son œuvre meurt à ce moment-là. Et pour Scheherazade, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire si ce qu'elle raconte au roi n'est plus apprécié, eh bien le roi ne voudra plus l'écouter et elle va disparaître. C'est-à-dire qu'elle va être mise à mort. Donc je pense que tout le 19e siècle a été fasciné par Scheherazade, parce qu'il y a cet enjeu, et Théophile Gautier a fait une très belle suite, la 1002e nuit, où qui est vraiment une très belle suite des 1001 nuits, et il thématise exactement cette idée de la mort de l'écrivain qui n'est plus lu. Donc ce que raconte aussi les 1001 nuits, c'est justement ce pouvoir magique de la narration sur les êtres humains, ce pouvoir de fascination que les histoires exercent sur les êtres humains. Et en cela, les Mille et Une Nuits, c'est réellement à la source de l'idée même de littérature, Aboubakr Chraïbi. C'est-à-dire que il faudrait peut-être mettre ça, placer un peu ça dans le temps, dans l'histoire, et comprendre que pendant très longtemps, la littérature, c'est-à-dire un texte fait pour le plaisir et qui peut être très bien écrit, qui raconte des choses intéressantes, ces textes-là n'étaient pas placés au haut de la pile de ce que un érudit doit avoir dans sa bibliothèque. Hein. Il y avait d'autres ouvrages qui étaient plus importants. Je parlerais par exemple de philosophie ou de théologie, suivant les époques, ou de calcul mathématique, ou de toutes sortes d'ouvrages de ce genre. Est-ce que quand on arrive aux Mille et une Nuits, on a une inversion totale? C'est-à-dire que les choses qui semblaient les plus futiles, parce que Scheherazade, quand elle va commencer à raconter son histoire, elle annonce un petit peu ce qu'elle va raconter, le genre d'histoire qu'elle va dire. Elle va dire, je vais vous raconter quelque chose de ajib et rarib, c'est-à-dire d'étonnant et de surprenant. Alors quand on occupe le temps d'une personnalité importante simplement par quelque chose qui est étonnant, cette personnalité peut très bien se dire, non, mais écoutez, j'ai d'autres choses à faire que d'écouter vos histoires étonnantes. Et divertissantes. Exactement. Donc c'est pour se divertir, pour étonner. Mais déjà, étonner, c'est une forme de divertissement. Hein, mais c'est une forme de divertissement. Donc ça s'adresse plutôt au côté plaisir, à la passion. Donc des choses qu'on estime généralement futiles, qui viennent en second. Mais ce qu'elle démontre, et ce que les Mille et une Nuits démontrent, c'est que ces choses-là, finalement, se révèlent à l'égal de la vie. Donc les choses les plus futiles ont pour équivalent de l'autre côté la chose la plus importante qui soit pour un être humain, c'est-à-dire la vie. Et c'est cette équation-là qui, tout à coup, sans qu'elle se dise, sans qu'elle soit explicitée, tout à coup que le lecteur voit s'imposer à lui et se rend compte que finalement cette littérature qu'il est en train de lire, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or parce qu'elle peut sauver des vies humaines. Et à partir de là, voilà, il est déjà pris dans le livre et il est attrapé par la littérature, sans s'en rendre compte, bien entendu. Alors, les Mille et une Nuits, c'est par définition un livre infini, puisque c'est un livre qui, sans cesse, étant composé de différents contes, peut s'enrichir potentiellement de nouveaux contes. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on entend aussi dans le titre « Mille et une nuits ». C'est pas 99 nuits ou 999 nuits, c'est 1000 nuits plus une. Et Théophile Gautier en a même donc rajouté une de plus. C'est sans doute pas le seul. Est-ce qu'on est dans quelque chose d'inachevé pour toujours? Alors... il y a effectivement cette idée que 1000 est un très grand nombre, et quand on rajoute la 1001e, eh bien on va vers l'infini. Donc il y a et je crois bien que c'est Borges qui a développé le thème des Mille et une Nuits, ouvrage infini, parce que il a signalé qu'il existait un moment dans la narration de Scheherazade où elle se met à raconter au roi sa propre histoire. Alors, on y reviendra, parce qu'il y a effectivement des textes où Scheherazade se remet à raconter. On peut en dire un mot tout de suite. Si vous voulez, mais c'est une longue histoire. Alors plus tard, c'est comme vous préférez. Bon, alors, sur l'idée, je vais continuer sur l'idée des Mille et une Nuits infinies. Donc, à partir du moment où elle boucle, c'est-à-dire elle se met à raconter au roi sa propre histoire, elle va se raconter elle-même. Et si elle se raconte elle-même, bah, à partir de là, il n'y a plus de fin. Mm-hmm. Parce qu'elle va se raconter, en train de se raconter, et on va continuer là-dedans à l'infini. Donc ça, il y a cette idée-là. Puis il y a une autre idée celle du corpus. C'est-à-dire, quels sont les contes des Mille et Une Nuits? Est-ce que si on va dans une librairie, on achète une bonne traduction des Mille et Une Nuits, disons celle au hasard, celle de Venchère et Miquel. Allez, allons-y. Voilà, dans la Pléiade. Voilà, exactement. Et bien, est-ce que on aura, ça y est, lu, et on l'a lu de bout en bout, est-ce qu'on aura lu les Mille et Une Nuits? Rien d'autre, certains vous diront, ben non, est-ce que vous avez lu telle histoire? Non, je ne l'ai pas lu, mais il n'est pas de temps. Ah ben si, c'est quand même une histoire des Mille et Une Nuits. Vous la trouverez, par exemple, dans la traduction de Joseph-Charles Mardru. Ah, mais vous-même, vous avez trouvé, je crois, de nouveaux textes, de nouveaux contes des Mille et Une Nuits. Absolument. Alors, si on prend d'autres maintenant, si on va dans les manuscrits, là, on va enrichir. Donc, on se dit, mais où sont les limites des Mille et Une Nuits? Donc, même est-ce qu'on a le droit d'écrire un conte et de dire c'est un conte des Mille et Une Nuits, comme voulait le faire Mario Vargas Llosa? Si au bout d'un certain temps, on commence à l'étudier comme un conte des Mille et Une Nuits, c'est gagné, bien entendu. Mais il est arrivé, si vous prenez la chose, est arrivée, puisque Galland a ajouté à sa traduction des contes qui ne figuraient pas dans les Mille et Une Nuits, et même son éditeur, c'est-à-dire ce n'est même pas Galland, son éditeur a ajouté deux contes qui ont été traduits par un collègue, Pétis de la Croix, dans l'édition, et ils ont été considérés comme des contes des Mille et Une Nuits. Alors là, il faut préciser aux auditeurs que vous parlez d'Antoine de Galland, qui est ce Français qui, en 1704, a traduit en français les Mille et Une Nuits, et il a ajouté un certain nombre de contes qui sont devenus parmi les plus emblématiques des Mille et Une Nuits. Je crois qu'il a ajouté Aladdin et absolument. Ali Baba, donc c'est pas rien quand même. Non, et puis il faut savoir dans quelles circonstances, à la fois il a traduit les Mille et Une Nuits, donc 1704-1717, et ce qu'il a traduit exactement. Donc lui, il a trouvé personnellement un manuscrit de Sindbad le Marin. Il a commencé à le traduire, et il y avait à l'époque une communauté syrienne qui venait surtout d'Alep. Et un de ses collègues, et d'ailleurs le professeur, celui qui avait la chaire au Collège Royal, c'est-à-dire l'équivalent du Collège de France aujourd'hui, était un Syrien originaire d'Alep, lui-même. Et donc il dit dans son journal Galland, quand j'ai commencé à traduire Sindbad le Marin, un de mes collègues syriens m'a dit, mais attention, il y a un ouvrage prodigieusement plus intéressant que Sindbad le Marin, ce sont les Mille et Une Nuits. Et il va s'adresser à un autre collègue syrien qui va le lui renvoyer depuis Alep. Et une fois qu'il commence à traduire les Mille et Une Nuits, à adapter, il faut dire, parce qu'il prend beaucoup de liberté avec le texte. Occidentaliser aussi. Bien entendu. Psychologiser, il adapte. Et une fois qu'il commence à adapter les Mille et Une Nuits, le succès est phénoménal et il épuise son manuscrit. Et là, il y a un jeune voyageur qui vient d'Alep, Anna Diab, d'une vingtaine d'années, qui est de passage à Paris, et qui lui raconte Aladdin, qui lui raconte Ali Baba, oui. Qui lui raconte une douzaine de contes. Mais au nom de quoi ce serait des contes des Mille et Une Nuits? C'est l'adaptation faite par Galland. Parce que Galland va travailler, il ne va pas mettre dans son adaptation exactement ce qu'il a entendu, puisque nous avons ce qu'il a entendu dans son journal. Par exemple, Ali Baba, dans son journal, fait 6 pages. Dans sa traduction, il en fait 36. Donc vous voyez le travail... C'est un écrivain, en fait. Oui, mais il n'ajoute aucun épisode. C'est-à-dire, il n'ajoute pas de péripéties. Il ne fait que décrire l'état psychologique, ajouter des descriptions, rallonger les dialogues. Mais le scénario est scrupuleusement suivi, hein, celui de qui lui a été rapporté par le jeune Syrien. Il l'applique exactement et ça donne... Aladdin et Ali Baba. Donc Aladdin et Ali Baba, en réalité, c'est une création franco-syrienne, je dirais, aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de lire, hein? Mais alors, est-ce qu'on sait d'où vient cette idée des Mille et Une Nuits, cette idée de Scheherazade et du récit cadre? Est-ce que ça, c'est une personne qui l'aurait inventé, ou est-ce que ça s'est fait aussi comme ça, au fur et à mesure que des conteurs s'emparent de ce texte qui va au fur et à mesure devenir les Mille et Une Nuits à Boubacar? Alors, là, nous touchons à l'histoire du texte. Et l'histoire du texte, c'est l'histoire d'abord d'un livre. Elle n'a rien à voir avec l'oralité, avec les conteurs publics, etc. Nous avons un livre, Et là, nous avons des témoignages forts qui le montrent. Nous avons un livre persan qui s'appelait Hazar Afsane, 1000 contes. Il ne s'appelait pas 1000 et une nuits. Et c'est là qu'il y a un adaptateur génial, anonyme, on ne le connaît pas, qui a adapté ce livre avec le récit cadre, c'est-à-dire le récit cadre, c'est l'histoire de Shahrazad. C'est la seule chose dont on est sûr qui ait été conservée entre l'ouvrage, l'original persan, et son adaptation arabe. Et c'est l'adaptation arabe qui va créer pour la première fois le titre de « Mille et une nuits ». Mmh. C'est à ce moment-là qu'apparaît ce titre. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a ce récit cadre qui, lui, est d'origine persane et plus loin, très probablement d'origine indienne, comme beaucoup d'ouvrages qui sont venus de l'Inde, hein, comme le Panchatantra et d'autres choses de ce genre. Et sa fonction, au départ, était celle d'un miroir des princes. Et ça, si vous voulez, on y reviendra. Et il était destiné à l'élite, aux gouvernants. Il n'était pas destiné pour le divertissement simplement, comme le signalent d'ailleurs des auteurs de l'époque. Alors, je propose qu'on écoute justement les premiers mots de ce récit cadre, lu ici par Anne Brissier. Il est raconté qu'il y avait un roi d'entre les rois de Sassane, dans les îles de l'Inde et de la Chine. Il était maître d'armée et d'une nombreuse suite. Il avait 2 enfants. L'un d'eux grand et le dernier petit. Tous les deux étaient d'héroïques cavaliers, mais le grand était meilleur cavalier que le petit. Ce grand régna sur les pays et gouverna avec justice entre les humains. Aussi les mères, les habitants du pays et du royaume. Son nom était le roi Shahryar. Quant à son frère, le petit, son nom était le roi Shahzaman. Chacun d'eux fut dans son royaume gouverneur juste de ses ouailles durant l'espace de 20 années. Ils ne cessèrent d'en être ainsi jusqu'à ce que le roi, le grand, eut l'ardent désir de voir son frère, le petit. Alors il ordonna à son vizir de partir et de revenir avec lui. Le vizir lui répondit « J'écoute et j'obéis ». Puis il partit et arriva en toute sécurité par la grâce d'Allah. Il entra chez le frère et lui apprit que le roi Shahryar désirait ardemment le voir et que le but de ce voyage était de l'inviter à aller visiter son frère. Le roi Shahzaman lui répondit « J'écoute et j'obéis ». Puis il fit faire ses préparatifs de départ. Il éleva son vizir gouverneur du pays et sortit en demandant les contrées de son frère. Mais vers le milieu de la nuit, il se rappela une chose oubliée au palais, revint et entra dans le palais. Et il trouva son épouse étendue sur sa couche et accolée par un esclave noir d'entre les esclaves. À cette vue, le monde noircit sur son visage. Et il dit en son âme, « Si une telle aventure est survenue alors que je viens à peine de quitter ma ville, quelle serait la conduite de cette débauchée si je m'absentais quelque temps chez mon frère ?» Sur ce, il tira son épée et frappant les deux, les tua sur les tapis de la couche. Donc voilà le péché originel, si l'on peut dire, Abou Bakr Shraibi, qui va conduire à la tuerie de presque toutes les femmes du royaume, puisque c'est une histoire de vengeance, hein, finalement, ce récit cadre. Vous disiez, juste avant qu'on entende cet extrait, que finalement, la mise ensemble de ces textes par ce récit cadre montrait que c'était une littérature qui n'était pas une littérature à proprement parler populaire, mais qui était destinée aux gouvernants, c'est cela ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'ouvrage initial, les 1000 contes, qui est arrivé en même temps que le Panchatantra ou le livre des 7 vizirs, Sindbad le sage, autre titre, et ces ouvrages-là appartenaient à un genre qui va être nommé plus tard au XIIIe, XIVe siècle, les miroirs des princes. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages dont le contenu aide à la formation des jeunes rois pour gérer en pratique. Ce sont des ouvrages très pragmatiques, hein, ils sont très, avec des leçons de sagesse extrêmement pragmatiques. La morale n'est pas aussi présente que disons dans un ouvrage religieux, hein, c'est d'abord, et il faut savoir se protéger et ne pas se montrer naïf, crédule, des choses comme ça, vous voyez. Et ça, c'est probablement le contenu initial, parce que les Mille et Une Nuits dont nous disposons aujourd'hui, elles ont évolué. On a rajouté du merveilleux. On n'a pas rajouté, c'est-à-dire qu'on a probablement gardé le récit cadre, cette histoire de Shahrazade qui, pour sauver sa vie, va raconter des histoires au roi. Mais les histoires qu'elle va raconter au roi, on les a changées complètement. Et ça, on en a pour... c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le montre très fortement, c'est une version plus ancienne des Mille et Une Nuits, mais qui a le même récit cadre que les Mille et Une Nuits, qui sont les 101 Nuits. Oui. Qui nous sont parvenus, mais où le contenu est totalement différent. Et qui montre que le récit cadre est comme un récipient qu'on peut remplir avec les histoires qu'on veut. C'est-à-dire en fonction de son public, on l'adapte à son public. Et les Mille et Une Nuits, donc, non seulement les titres s'est transformé, mais le contenu aussi de cet ouvrage qui était les Mille Contes, c'est-à-dire les Mille Contes sont devenus Mille et Une Nuits, et ce que Shahrazad a raconté au roi, au lieu de garder des fables didactiques, des récits très courts, très didactiques, comme on les trouve dans le Kalida et Dimna, Panchatantra, etc., dans ce genre d'ouvrage qui vise à l'enseignement, on a mis autre chose. Donc, on comprend bien que le récit cadre, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, mais en même temps, d'un point de vue purement narratif, c'est une invention totalement extraordinaire, parce que c'est quasiment l'invention du suspense, c'est l'invention, on dirait aujourd'hui, du cliffhanger. Donc, c'est plus qu'un simple récipient, c'est quand même quelque chose, littérairement parlant, qui tient de l'art du roman. Bien sûr, absolument, oui. Bien sûr, c'était pour schématiser, mais c'est tout à fait ça, c'est la naissance du feuilleton, du feuilletonnage. Hein. C'est le 19e siècle, l'a bien vu et l'a utilisé ainsi. Hein. C'est pas par hasard que nous avons le succès des Mille et Une Nuits qui se poursuit au 19e siècle avec la naissance de ce genre de choses. D'ailleurs, Balzac a lu profondément les Mille et Une Nuits. Absolument. Oui, il les cite et il voudrait même les imiter. Mais il n'est pas le seul. Alors, si je reviens sur le récit cadre, c'est réellement l'identité des Mille et Une Nuits. C'est-à-dire, sans le récit cadre, on n'a pas les Mille et Une Nuits. Sans le récit cadre, c'est pour dire sa force. Et à l'intérieur du récit cadre, il y a une partie qui lui ressemble, qui fait corps avec le récit cadre, pas tout l'ouvrage. C'est-à-dire, si on considère aujourd'hui les Mille et Une Nuits, il faudra séparer ce qu'on a entre les mains et qu'on trouve, c'est-à-dire la partie qu'on trouve pratiquement dans toutes les traductions, éditions, manuscrits, de ce qui varie. Et là, on a quelque chose de plus consistant, c'est-à-dire là, on commence à voir le livre et non pas la compilation. Mmh. Et ce livre-là est formé du récit cadre et d'autres récits qui lui ressemblent et qui font corps avec lui. Avec des personnages récurrents, avec des récits enchâssés. Exactement. Avec l'enchâssement. Parce que ce que vous avez relevé, effectivement, de très intéressant dans Les Mille et Nuits, c'est à la fois l'enchâssement et la fragmentation. Hein, cette façon de raconter, parce que l'enchâssement, ce qu'il a de remarquable, c'est qu'il vous donne le mode d'emploi, finalement, du récit. Hein. C'est très intéressant de ce point de vue. Et la fragmentation, elle vous donne la dramaturgie du récit, en quelque sorte. Donc, c'est ce double jeu, effectivement, qui donne toute sa puissance au récit cadre, en même temps que les enjeux ne sont pas des enjeux mineurs de... on s'ennuie, il faut passer le temps, mais ce sont des enjeux de très grande importance, il faut sauver des vies. Mmh. Et de ce point de vue-là, on rejoint le politique. C'est-à-dire que j'ai parlé des miroirs des princes, dans leur état actuel, les Mille et Une Nuits continuent à avoir des enjeux politiques extrêmement importants. La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous parlons des Mille et Une Nuits avec Aboubakr Shaibi. Mille et Une Nuits, texte fondateur évidemment de ce que nous en Occident on appelle l'Orient, mais qu'est-ce que c'est finalement que l'Orient? Vous nous avez expliqué que ce texte finalement c'était un syncrétisme, que ça venait à la fois d'Inde, mais aussi, pourquoi pas, de France, puisque on a vu que c'était un Français qui avait aussi beaucoup organisé, retraduit et popularisé ce texte. Qu'est-ce que c'est que l'Orient tel que l'on s'imagine? Parce qu'on se l'imagine beaucoup à travers les Mille et Une Nuits. Ce texte nous a donné des images d'un espèce d'Orient complètement fantasmé. Bon, il y a un élément très important dans les Mille et Une Nuits qui est celui de la civilisation, hein, civilisationnelle, je dirais. Et autant le récit cadre est un carrefour de plusieurs cultures, autant par la suite, on va trouver de plus en plus de marques ou de marqueurs de cette civilisation. La présence de Harun al-Rashid, par exemple, n'est pas innocente. Hein. C'est très important parce que il est le porteur. C'est un personnage semi-historique ou historique. C'est un personnage très historique. Très historique, pardon. Voilà, qu'on considère relevé de l'âge d'or de l'islam et qui donne une certaine légitimité à un certain nombre de décisions prises dans les Mille et Une Nuits. Mais nous avons aussi des citations coraniques, nous avons aussi des prophètes, nous avons aussi une dame qui va faire ses courses à Bagdad, dans le Bagdad de l'époque prémoderne, avec une description extrêmement étonnante de son parcours, des différentes boutiques où elle s'arrête, ce qu'elle achète, etc., etc. Donc, nous avons réellement quelque chose de civilisationnel dans ce texte. Et cette chose-là ne s'est pas installée en un jour, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Mille et Une Nuits sont arrivées, elles ont été adaptées pour leur nouveau lecteur. Et cette adaptation a pris un certain temps. Et elle a été mûrement réfléchie, parce que quand on regarde l'histoire, on parle toujours de Shahrazade, du récit cadre. Quelle est la première histoire que raconte Shahrazade? Ça, c'est très important de le relever. Quelle est la première histoire et qu'est-ce qu'elle signifie? Et pourquoi avoir commencé avec celle-là? C'est l'histoire du marchand et du génie. Et cette histoire-là, elle est tout à fait remarquable parce qu'en réalité, elle est au carrefour de plusieurs traditions à l'intérieur même de ces civilisations. C'est la porte civilisationnelle, si vous voulez, des Mille et Une Nuits. Mm-hmm. C'est cette histoire-là, celle par laquelle commence Shahrazade. Qu'est-ce qu'elle signifie? Parce qu'elle, elle installe le livre ensuite. Cette histoire-là va installer quelque chose dans la durée. Et on n'est plus nécessairement seulement dans les questions de tromperie ou des choses comme ça. Nous sommes dans des questions beaucoup plus importantes, puisque un homme dont on a décidé qu'il fallait qu'il meure immédiatement donne sa parole qu'il va revenir pour être mis à mort, alors que cette mise à mort est injuste, et il va revenir le faire. C'est tout à fait remarquable. Alors que cette mise à mort, elle est causée par quoi? Par quelque chose, et c'est là la puissance dramatique des Mille et Une Nuits, elle est causée par quoi? Parce qu'il a jeté un noyau de date dans le désert. Mm-hmm. Je veux dire, c'est comme crime, on peut trouver des choses plus graves. C'est un noyau qui a tué, du coup, oui, mais lui, quelqu'un. Voilà, il a des circonstances atténuantes. Ouais, on va faire attention quand on jette un noyau de date. Exactement. Ah, ça, c'est vrai. Bon, mais vous voyez, cette histoire-là, elle mérite en réalité une attention très particulière, celle qui ouvre les Mille et Une Nuits, hein, cette histoire-là du marchand et du génie. Et elle a une importance civilisationnelle extrêmement importante parce que elle a des doublons. Et ces doublons ne se trouvent pas n'importe où. Ces doublons se trouvent dans des livres de littérature classique. Ces doublons se trouvent dans des recueils de traditions prophétiques. C'est-à-dire des choses que n'importe quelle personne éduquée du monde musulman se doit de connaître. Voyez, donc ça ouvre, ça élargit la perspective de la lecture à d'autres ouvrages. Et c'est ça ce qui donne cette profondeur civilisationnelle au Mille et Une Nuits. Et puis, c'est aussi les deux créations dont vous parlez, les deux mondes qui existent dans les Mille et Une Nuits. Un monde, je schématise énormément, qui serait le monde descendant d'Adam, qui est le monde, finalement, qui est un petit peu le nôtre. Hein. On est bien sur Terre dans les Mille et Une Nuits. On nous parle de fruits frais, de viande, de sucreries, d'épices, de l'odeur l'intérieur des corps de femmes, etc. Et il y a aussi une autre création qui serait la création du royaume de Salomon, donc une création de l'ordre du merveilleux. Et donc, les mille et une nuits sont à la frontière entre à la fois le monde que nous connaissons, nous les humains, et un monde qui est au-delà de ce que nous connaissons. Est-ce que ces deux mondes-là constituent pour vous vraiment, et leur fusion, enfin la tentative de leur fusion, constitue pour vous l'un des cœurs de ce récit, Aboubakar Chraïbi? Je suis un peu hésitant parce que ce sont dans, pour le lecteur de ce texte, ces deux mondes ont déjà fusionné, c'est-à-dire que ces deux mondes coexistent ensemble. Et de manière assez naturelle, d'ailleurs. Salomon, il s'inscrit dans la lignée d'Adam et les djinns qu'il a sous son contrôle, ce sont les mêmes que ceux qui sont cités ici et là dans des ouvrages religieux très très sérieux. Donc tout cela fait un tout. La frontière, c'est nous aujourd'hui qui la traçons, mais ce n'est pas, mais dans le livre, cette frontière, elle n'existe pas. Mmh. Aboubakar Chraïbi, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de ce grand texte que constituent les mille et une nuits, mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec aujourd'hui Tiphaine Samoyau de la revue en ligne En attendant Nadeau. Bonjour Tiphaine. Bonjour Mathieu. Un mot peut-être pour commencer sur les mille et une nuits. Oui, alors effectivement c'est un texte que j'aime beaucoup et j'ai eu la chance lorsque j'étais étudiante de suivre à la Sorbonne les cours de Djemaïl Eddine Bencher qui a retraduit avec Mickaël les mille et une nuits. Et c'est vrai que que les mille et une nuits aggravent cette idée que la traduction fait que jamais un texte ne ressemble à lui-même, parce que entre la traduction de Galland que j'avais lu en premier et cette traduction parue dans la Pléiade dans les années 90, il y a vraiment deux mondes, sont deux textes donc radicalement différents. C'est vraiment un texte qui n'existe pas d'une certaine manière. Et puis ce qui était fascinant dans ces cours de Bencher, c'est qu'il nous révélait aussi que ce qu'avait complètement écarté Galland, c'est qu'il y avait des intermèdes poétiques. C'est aussi, il n'y a pas simplement les récits. On croit que c'est que des narrations, mais en réalité, il y avait aussi laissé à la liberté des conteurs, des chanteurs, des intermèdes poétiques que eux traduisent. Hein. Et donc, c'est toute la littérature que contient ce récit cadre, hein. Pas simplement le récit narratif, mais aussi une poésie extrêmement forte et belle. Alors, dans votre revue, qu'on peut retrouver donc sur enattendantnadeau.fr, vous nous parlez ce mois-ci, enfin pas vous en particulier, mais d'autres plumes de la revue, du livre sur Paris et Balzac de Éric Hazan. De quoi s'agit-il ? Oui, donc actuellement, c'est le texte qui fait la une, hein, qui change assez régulièrement. Et c'est intéressant à mettre en relation avec les mille et une nuits. Vous soulignez que Balzac avait lu les mille et une nuits. Bon, souvent, on pense à Proust, hein, lorsque pour la comparaison entre Paris et Bagdad, dans cette comparaison qu'il fait constamment dans le temps retrouvé, Paris en guerre comparable à Bagdad. Mais finalement, le Paris de Balzac n'est pas si éloigné non plus des mille et une nuits. C'est un Paris assez fantasmatique et fantastique que propose Balzac. Et c'est ça que montre Éric Hazan, un Paris qui ressemble parfois à la grotte d'Aladin ou à la caverne d'Ali Baba. Ce Paris donc qui est particulièrement je pense que c'est celui qu'aime aussi Hazan chez Balzac, c'est-à-dire un Paris obscur, un Paris nocturne, un Paris souterrain. Bon, pour moi la scène clé de ça c'est évidemment lorsque Dumarsais dans La fille aux yeux d'or est promené dans Paris les yeux bandés et qui reconnaît tout son itinéraire au chaos de la voiture. Donc ça c'est moi, j'interviens personnellement par rapport à ce texte, mais il m'arrive à parfois de traverser Paris en pensant à cette scène où on ne le voit pas, mais on le devine sous ses pas. Voilà, et pour les auditeurs que ça intéresse, ils peuvent non seulement aller sur enattendantnado.fr pour lire l'article, mais aussi nous écouter mardi 8 mai, puisque on a enregistré déjà d'ailleurs une émission avec Éric Hazan, justement sur le Paris de Balzac. Autre sujet, c'est Blanchot et 68, c'est évidemment deux saisons, Tiffaine Samoyo. Oui, donc c'est un article de Michael Holland qui est extrêmement intéressant sur ce livre donc de Jean-François Hamel qui parle donc du comité d'action des étudiants et des écrivains hein, qui est un lieu qui marque bien quel fut le moment politique spécifique de 68, par-delà peut-être toutes les narrations, tous les récits qui ont été faits ultérieurement, c'est-à-dire finalement un moment politique qui ne peut pas se résorber dans le récit, dans l'histoire, dans le passé. Et qui, en particulier, illustre cette idée d'une communauté absolument totale, hein, un tous qui forme une sorte d'idéal et qui défait toute possibilité d'autorité, de pouvoir. Et Blanchot est une figure intéressante de ça, hein, parce qu'il défend à ce moment-là, même par exemple pour les écrivains, pour les artistes, l'abandon même de l'autorité de la signature. Et c'est quelque chose qui va animer toutes ces tentatives de revues ou de propositions collectives par la suite. Et pour terminer, une promenade en compagnie d'un géographe, André Demangeon. Oui, qui a la particularité aussi d'avoir été le professeur de géographie de Julien Gracq. Ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, Julien Gracq qui lui a rendu hommage dans un texte assez fascinant où il invente la catégorie de quaternaire historique pour parler de la méthode de Demangeon, qui serait presque peut-être une catégorie anticipant la catégorie bien connue aujourd'hui d'anthropocène. C'est-à-dire qu'André Demangeon, c'est un géographe humain, enfin c'est un représentant de la géographie humaine qui met en lien toutes les disciplines naissantes ou actuelles de son époque, c'est-à-dire l'ethnologie de Mauss, l'histoire, les archives et puis la géographie. Merci beaucoup Tiffaine Samoyo, tout cela et bien plus encore sur le site enattendantnado.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons des Mille et Une Nuits avec Aboubakr Shraibi, professeur des universités à l'INALCO. Et on repart dans cette émission avec une archive justement de Jamel Eddine Bencher, autre grand spécialiste des Mille et Une Nuits, dont nous parlait à l'instant Tiffaine Samoyo. C'est un concept, cher Hazan. Ce n'est pas un personnage qui monte. D'abord, elle défend la parole, elle défend le droit à la parole. Elle continue à parler alors que le roi a décidé d'exécuter toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il a condamné à mort le genre humain. Ça n'est pas du tout une entrée en matière douce, les Mille et une Nuits, ce conte qui est pris par l'Occident comme un texte de distraction, est à peu près tout le contraire. Alors Scheherazade prend et garde la parole, malgré les objurgations de son père. Son père, le ministre, ne veut pas qu'elle affronte le roi, donc elle prend la parole. C'est déjà une gardienne de la parole. Elle défend aussi la féminité, puisqu'elle arrive à détourner le roi de son dessein funeste d'exécuter la terre entière en supprimant toutes les femmes. En fait, ce que le roi poursuit, c'est l'obsession de la trahison à travers le personnage féminin. Mais tout se brouille très vite parce que la féminité, dans les Mille et une Nuits, n'est pas forcément représentée par les femmes. Et pas plus que la virilité, la distribution sexuelle de l'ordre social n'est pas respectée. La féminité peut très bien se trouver dans un personnage masculin. Elle peut se trouver dans les lieux, elle peut se trouver dans une vision, dans une façon de décrire l'intérieur. Et elle n'est pas faite de tout ce qui constitue la féminité sociale. Elle est faite d'amour, de tendresse, mais jamais de faiblesse. Et jamais. Les seuls personnages qui ont la virtu romaine du XVIe siècle, c'est-à-dire la vertu qui vous permet d'aller au bout de soi-même, ce sont les femmes qui l'ont. Les femmes dans les Mille et une Nuits sont des personnages mâles. Elles vont au bout d'elles-mêmes. Elles se battent. Tandis que le personnage homme, c'est-à-dire sexuellement, physiologiquement désignés comme étant des hommes, sont des personnages veuls, lâches, désemparés, qui ne, à quelques rares exceptions près, qui ne vont pas au bout d'eux-mêmes. Alors évidemment, il serait anachronique de dire que Les Mille et Une Nuits, c'est un texte féministe, mais c'est vrai que c'est quand même une femme qui sauve le monde, Aoubakr Shraibi, qui se sacrifie, enfin qui se commence par risquer un sacrifice pour sauver le monde. Tout à fait, c'est très exact. C'est très exact, et cette thèse, en fait, elle date même du début du XXe siècle. Il y a eu tout un ouvrage écrit sur Shahrazad féministe, et elle s'est poursuivie jusqu'à très récemment, où il y a eu des écrivaines arabes qui ont refusé totalement l'image d'une Shahrazad féministe, parce que pour elles, Shahrazad, finalement, elle est assez conservatrice, puisqu'au bout du compte, oui. Quand l'histoire finit, quand l'histoire se termine, elle a 3 enfants. Et le roi est rétabli dans son pouvoir et va pouvoir régner en étant assuré d'avoir un successeur comme lui. Donc, elle a sauvé non seulement le monde, mais elle a sauvé aussi le système qui dirigeait le monde et qu'elle a trouvé en arrivant, c'est-à-dire entre son arrivée et son départ. Le système patriarcal. Absolument. Donc, elle a remis en place un système qui allait être déréglé. Non pas parce que, par lui-même, par sa façon d'être, mais parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de le dérégler. Mais ce système en lui-même n'a pas été remis en cause. Ce système, il a été rétabli dans ses droits comme il l'était auparavant. C'est pour ça que quelques écrivaines arabes remettent en cause cette image féministe de Shahrazad en la nuançant. Mais voilà. Sur ce que on entendait dans l'archive à propos de la fluidité de genre, dirait-on aujourd'hui, dans Les Mille et Une Nuits, qu'en pensez-vous ? Alors, je vais vous répondre par une histoire, d'accord ? C'est parfait pour ce genre d'émission sur Les Mille et Une Très Nuits. Très bien. Je vais vous répondre par une histoire, et cette histoire-là, c'est un des doubles de la première histoire des Mille et Une Nuits, dont je vous ai parlé tout à l'heure, du marchand et du génie. Et vous savez, dans Le Marchand et le Génie, il y a 3 personnages qui passent et chacun raconte une histoire pour obtenir, pour sauver la vie du marchand, pour un tiers. Trois personnages, ouais. 3 tiers. Et donc, dans ce doublon, il y a effectivement des djinns qui ont attrapé quelqu'un, qui vont le mettre à mort. Il y a un personnage qui arrive, qui va raconter une histoire pour obtenir un tiers de sa vie. Et il raconte l'histoire suivante. C'était un marchand et tout allait bien pour lui. Puis il a été ruiné. Il a dû se sauver devant ses créanciers, prendre la fuite. Sur le chemin, il n'avait pas de provisions. Il a tout à coup très soif. Il trouve un puits, il va pour boire. Et là, il y a une voix qui lui dit « Éloigne-toi ». Alors il s'éloigne, mais il n'en peut pas de soif. Il revient et il boit. Et la voix dit « Si tu es un homme, deviens une femme. Et si tu es une femme, deviens un homme ». Il devient une femme et poursuit son voyage. Il arrive dans une autre ville, se marie, a des enfants, le temps passe, la nostalgie de sa ville natale se fait très forte et il reprend le chemin du retour en tant que femme. Arrive au même puits, même scène, et il redevient un homme, rentre chez lui, se marie, a encore des enfants. Et à la fin de son histoire, donc, il se tourne vers le génie, il lui dit « Vous voyez, tel que vous me voyez, j'ai eu des enfants à la fois de mon ventre et de mon bas-ventre. Est-ce que ce n'est pas une histoire extraordinaire, étonnante ?» dit-il à Agib. Et le génie dit « Oui, c'est une histoire étonnante. » Alors, avec une histoire comme ça, finalement, les gens qu'on rencontre peuvent être une femme ou un homme. Ça n'a pas, finalement, autant d'importance que l'on dit. Le genre lui-même est totalement brouillé. Mais ça paraît d'une modernité impensable. Eh oui, mais c'est une histoire qui date de la fin du IXe siècle. Mmh. Et qu'est-ce que ça signifie, du coup, sur ce texte et sur la profonde portée de ce texte ? Ah, mais ça rejoint exactement ce que disait Jamal Din Bencher, c'est-à-dire que finalement les questions de genre ne sont pas aussi, je veux dire, d'un point de vue littéraire, je veux dire, dans les textes que nous avons, c'est-à-dire c'est des questions qui ont été remises en permanence en cause et qu'il y a une et ça c'est la puissance de la littérature et toute sa force, c'est qu'il y a un courant de pensée dans cette mosaïque que toute civilisation représente, où le genre finalement c'est quelque chose d'évanescent et de changeant, et qui n'est pas essentiel à un être humain, le genre auquel il appartient. Mais alors peut-être que justement cette fluidité dans les genres fait partie des choses qui ont un peu rebuté les instances religieuses, parce que il est vrai que ce texte, Les Mille et Une Nuits, n'a pas toujours plu aux religieux dans divers pays. Ah, je crois que dans tous les pays du monde, pas seulement, ce texte n'a pas toujours plu. Hein. Et pour commencer par ici même en France, lorsque Galland traduisait les Mille et Une Nuits, il les qualifiait de fariboles. Il a traduit le Coran et il se désolait parce que sa traduction du Coran n'avait pas autant de succès que les Mille et Une Nuits. Mmh. Vous voyez, il y a un paradoxe là-dedans. C'est ce que je vous ai dit tout au début à propos de cette littérature, pas très utile, pas très sérieuse. C'est-à-dire, on a beau vous dire, elle peut sauver la vie, on se dit, c'est tout de même les Mille et Une Nuits. C'est le genre de choses qu'on peut entendre dans la rue, ce n'est pas, il n'y a pas d'autorité derrière, il n'y a pas, quel est l'auteur, quelle est l'époque, tout cela est bien flou, tout cela. C'est un peu trop facile. Et donc, elles sont toujours victimes de cette image, et même encore aujourd'hui, en réalité. C'est un espace d'ambiguïté, je crois, qu'on pourrait choisir ce terme pour désigner cette littérature-là, puisque le conte nous fait mine de nous raconter des histoires, des romans par exemple d'amour, apparemment irréels dans leur ancrage historique, dans leur espace social, dans leur devenir, et que soudain nous apercevons que la fiction réorganise le réel à un point tel que ce réel réorganisé se met à être plus réel que l'autre. Et qu'au-delà de cette société apparaît fort bien le rêve des hommes. Et c'est tout à fait étrange que cette vérité qui apparaît au bout du mensonge. La compagnie des auteurs sur France Culture. Comment comprenez-vous, Aboubakr Chraïbi, cette phrase qu'on vient d'entendre en archive de Jamel Eddine Bencher, sur la vérité qui apparaît derrière le mensonge dans Les Mille et Une Nuits? Oh, c'était un petit peu le thème de la recherche de l'époque entre André Michel et Jamel Eddine Bencher. Vous savez, André Michel, il a fait un ouvrage sur les Mille et Une Nuits, les sept contes des Mille et Une Nuits, où il n'y a pas de conte innocent. Hein, vous voyez, c'est toujours cela, c'est ça l'idée, c'est-à-dire mais c'est une idée commune à n'importe quelle fiction, c'est-à-dire que n'importe quelle fiction construit une vision du monde, et cette vision du monde, elle s'appuie sur certaines de nos idées, soit à préconçus, soit de nos rêves utopies, soit de nos craintes, angoisses, etc. Et donc, il y a un écho très fort, quelle que soit la fiction. Mais en ce qui concerne les Mille et Une Nuits, je ne me situerai pas là, c'est-à-dire je ne me situerai pas dans vérité ou mensonge, parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est la fonction, à quoi ça sert, peu importe, à quoi ça sert. Et parce que, sortant des Mille et Une Nuits, allant dans les ouvrages d'histoire anciens sont souvent présentés comme des contes des Mille et Une Nuits. Hein. Et je peux aller plus loin, je peux aller dans des ouvrages encore plus sérieux qui sont présentés, où il y a très peu de différence avec les contes des Mille et Une Nuits en réalité. Mmh. Par conséquent, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est, il me semble, c'est la fonction, à quoi ça sert. Qu'est-ce que... Tout à l'heure, par exemple, nous avons entendu dire que il n'y a pratiquement pas de héros masculin dans Les Mille et Une Nuits. Pas de héros positif, en tout cas. Oui, positif. Hein. Pas de héros positif masculin. L'enjeu n'est pas un héros masculin, comme pour la fiction d'ailleurs, n'est pas un héros masculin ou un héros féminin, c'est les qualités mises en avant derrière ce héros. Et pour, par exemple, pour reprendre Shahrazad, qui est une héroïne positive féminine, elle a reçu une certaine éducation. Et le texte c'est la fille du vizir. Oui, elle a reçu une certaine éducation, pas seulement parce qu'elle est la fille du vizir, mais on le détaille. Par exemple, elle a appris la médecine. On trouve ça dans la tradition liée à Galon. Dans d'autres traditions, on trouve qu'elle a appris surtout des livres d'histoire. Donc, soit elle est extrêmement compétente en médecine et on voit ça la qualifie pour quoi faire, soit elle est très compétente en histoire et on voit pourquoi ça la qualifie. Ce sont deux traditions différentes qui vont qualifier Shahrazad différemment. Du côté des hommes, on peut trouver des choses semblables. On peut trouver des gens qui ont appris un certain nombre de choses. Par exemple, on prend le portefeuille. Le portefeuille, c'est un métier, c'est un des métiers les plus modestes qui soient à Bagdad. Pourtant, ce portefeuille va faire preuve, va dire qu'il a appris lui aussi, il est éduqué. Et une fois qu'il est admis chez les dames, son comportement va le montrer. Il va se transformer en héros positif, à cause de l'éducation qu'il a reçue. Donc, il y a un préalable pour fabriquer un héros positif qui est l'éducation qu'il y a derrière. Les Mille et Nuits sont très attentives à construire des choses relativement cohérentes. Et parmi les qualités, je dirais, qui se manifestent par l'action et non pas par l'éducation, une des plus importantes, c'est la générosité. Et à partir du moment où vous avez un personnage généreux, sa générosité ne se manifeste pas nécessairement sur le plan économique, elle peut se manifester sur le plan humain. Il est trompé, mais il pardonne. Ça, c'est une forme de générosité. Donc, partir du moment où la générosité se manifeste, nous avons l'homme, c'est-à-dire un modèle humain qui se dégage de l'ouvrage et du récit. Donc ça signifie qu'il y a une morale qui est une morale cohérente, parce que, comme on l'a dit, c'est un livre qui est fait de 1000 contes, et un d'ailleurs. C'est-à-dire que je me place un peu sur le même registre. Comment est-ce que ça peut être cohérent d'un point de vue moral ? Je me place un peu sur le même registre, c'est-à-dire que sur le registre civilisationnel. Sur le registre où on est en train d'élaborer une civilisation où cohabitent plusieurs religions, plusieurs ethnies, etc. Extrêmement cosmopolite, comme le montrent d'ailleurs les Mille et une Nuits. Évidemment, il y a une pensée dominante. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il y a une pensée dominante, comme partout, comme aujourd'hui encore, il y a une pensée dominante, n'est-ce pas ? Mais en même temps, il y a des éléments qu'on met en avant pour faciliter le vivre ensemble. Parce qu'on a tout le monde, à toutes les époques, on a besoin dans les grandes cités du monde, comme Bagdad, Le Caire, etc., où se côtoient beaucoup, beaucoup de gens extrêmement différents, on a besoin d'un vivre ensemble. Et c'est le travail civilisationnel, c'est le travail d'une civilisation. Et ça, on le trouve exactement dans les Mille et une Nuits. Donc il y a un côté éducationnel. C'est dans ce sens-là. Mais attention, c'est-à-dire que, vous avez raison, moi je me place sur le même niveau de discours que ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire où on parle en général des Mille et une Nuits. D'accord ? Mais en réalité, il faut entrer dans les détails pour pouvoir apporter plus de nuances à tout ce qu'on vient de dire. D'accord ? Il y a un certain nombre de thèmes que vous détaillez, par exemple les tapis qui reviennent assez souvent dans les Mille et une Nuits. Il y a aussi le thème des voyages. Vous expliquez que finalement la vraie passion dans les Mille et une Nuits, c'est le voyage. Il y a les navires, les caravanes, les ports, les marchés qui se retrouvent partout dans les Mille et une Nuits. En quelques minutes, les quelques minutes qui nous restent sur ce thème du voyage, Abou Bakr Shraibi dans les Mille et une Nuits. Ah, les tapis, je ne me souviens pas où j'ai parlé des tapis. Je ne crois pas avoir parlé des tapis. Ah, pourtant, vous expliquez, je crois, alors je ne peux plus vous redire exactement dans quel texte, mais que tout, pour ainsi dire, se déroule sur des tapis, que ce soit l'amante rusée qui se glisse à l'intérieur du tapis pour s'introduire auprès de son seigneur, que ce soit le tapis enroulé qui dissimule des cadavres, etc., etc. Ce n'est pas moi. Je crois savoir qui c'est, mais ce n'est pas moi. Bon, d'accord. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, sur le thème du voyage. Bon, le thème du voyage, il se manifeste dans toute sa splendeur, dans les voyages de 7 voyages de Sindbad le Marin. Et les 7 voyages de Sindbad le Marin sont tout à fait remarquables. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre que je conseillerais aujourd'hui, si vous me permettez, c'est un anachronisme total. Mais bien sûr, nous aimons les anachronismes. Pour toutes les étudiantes dans des écoles de commerce. C'est un excellent. Sindbad n'est pas un marin. C'est un marchand. D'abord, c'est Sindbad de la mer, si on traduit, et c'est un marchand. Et ces 7 voyages sont un merveilleux manuel de ce qu'un marchand doit et peut faire pour de s'enrichir et faire de l'argent. Bon, ben on espère que toutes les écoles de commerce vous entendent et qu'on va étudier les mille et une nuits dans chacune d'entre elles. Merci beaucoup, Aboubakr Chraïbi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'INALCO, spécialiste donc évidemment des mille et une nuits. Vous avez publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer Les mille et une nuits et le récit oriental. C'est publié chez L'Harmattan, hein, ça date de 2009. Et puis, un petit peu plus récemment, en 2015, vous avez traduit et fait paraître trois contes inédits des mille et une nuits. Ça, c'est aux éditions Espace et Signes. On les conseille également très chaleureusement à tous nos auditeurs. Et demain, nous poursuivrons cette exploration de ce texte fascinant qu'est Les Mille et Une Nuits. Ce sera avec André Miquel, mais tout de suite sur France Culture, c'est le retour de la poésie et c'est avec le grand Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Pour présenter William Cliff, dont paraît Au nord de Mogador aux dilettantes, et matière fermée à la table ronde, on peut remarquer qu'il est productif. Même aux dilettantes ou à la table ronde, mobile, arpenteur, il marche, il prend le train, il ne tient pas en place. On peut utilement lui ressembler et passer de suite à l'établi où ça me nuise. Ça me nuise. Petit insecte humain qui rampe sur la terre, dont l'incertain destin te désole et t'atterre. Quand par un soir d'été tu t'en vas plein de doutes, écoutant la rumeur qui vient d'une autoroute, et qu'elle te semble extraordinaire quand même, et palpitante l'existence que tu mènes malgré les cruautés qui sévissent parfois entre quelques cités travaillées par des voix méchantes qui font que, comme des sales bêtes, les hommes s'entretuent pour d'ineptes prétextes. Oui, par ce soir magique qui s'intensifie, tu dis merci de pouvoir vivre cette vie, et dans le matin, déjeuner assis, dehors, recevant du soleil, ces merveilleux trésors. On éprouve avec lui comme un pincement au plaisir de la vie, et on peut utilement aussi écouter son pinson. Je suis là comme un tas de viande surannée, transpercée par le cri d'un oiseau forcené. Mais soudain, un silence se fait dans les arbres, interrompant la cadence de ses alarmes. Le vent commence à faire balancer les branches. Je reste comme un tas dans mes années qui flanchent. Ah, l'imbécilité des hommes me dégoûte. Et voilà ce pinson qui se remet en route. Il reprend sa crécelle qui me fend la tête parce que je suis peut-être ici le seul être attentif à ce bruit obstiné qui déchire le grand silence dont je désire l'empire. Or, puisque je ne puis rien contre cet oiseau et tout ce qui vit alentour de ce terreau, je n'ai plus qu'à retomber dans ma longue attente et la fatalité pesante qui me hante. Louange, l'aude, vers les 5 heures du matin, j'ai éteint la lumière, sentant que le soleil revient étreindre ma paupière. Après avoir bu et fumé et lu trop longuement, je suis tombé comme un damné dans le fond du néant. Soudain, j'émerge du sommeil sous le coup de 10 heures, alors que brille le soleil sur toutes les demeures. Les moines dans leur monastère au milieu de la nuit, afin de faire leurs prières, se tirent de leur lit. Ils se couchent tout habillés sur leur humble paillasse et se relèvent pour prier sans jamais qu'ils se lassent. Et les parents, malgré leur grogne, réveillent leurs enfants qu'ils conduiront pour qu'à l'école, ils deviennent savants. Et dans les hommes, les vieillards tués de somnifères vont au réfectoire s'asseoir pour mâcher des misères. Et en Inde, celui qui a dormi dans une loque se lève et sent l'astre qui va refrapper sa caboche. Gloire et louange à toi, au grand célibataire qui fait chaque jour sur mon toit ricocher ta lumière. Oh certes, je suis très indigne de ta bonté couverte. Pourtant je remplis cette ligne pour célébrer ton être. Oui, malgré ma trop indigente démarche dans ce cloître, permets que mon âme rechante ta louange et ta gloire. Jacques Bonnafé, merci, vous consacriez cette semaine, aujourd'hui plutôt, vos lectures au poète William Cliff.